Et plus l'homme va vers la conscience cosmique, plus l'homme va vers l'énergie, plus l'homme va vers la conscience de l'énergie, plus l'homme réalisera que la conséquence de l'humanité, que la conséquence du fait de l'humanité, que la conséquence du fait de l'existence matérielle de l'humanité est une conséquence totalement inconséquente vis-à-vis le surhomme. C'est-à-dire que les conditions qui ont donné naissance à l'humanité sont des conditions qui sont passées et qui n'ont plus de relation avec l'homme de la lumière, parce que l'homme de la lumière ne vit plus de l'intelligence, mais ne vit que de l'énergie. Alors, je retourne un peu en arrière pour établir dans vos esprits que dans les années qui viennent, dans les relations que vous ferez avec les hommes, dans les relations que vous ferez avec de grands hommes, de grands êtres, il vous sera nécessaire d'être dans l'intelligence de votre intelligence. Sinon, vous serez prisonnier de l'intelligence de ces êtres-là. Et si vous êtes prisonnier de l'intelligence d'un être, vous ne pourrez jamais être sûr d'être sûr. Et si vous n'en arrivez pas un jour à être sûr d'être sûr, votre vie matérielle aura sa limite, qu'on appelle la mortalité. Parce que c'est dans le phénomène de sûr d'être sûr, non pas dans l'intelligence, mais dans l'énergie de l'intelligence, que l'homme réalise qu'il ne peut pas mourir, que l'homme réalise qu'il ne doit pas mourir, que l'homme réalise qu'il ne mourra pas. C'est dans l'énergie de l'intelligence que ceci est fait. Ce n'est pas dans l'intelligence de l'énergie. Et il y a grande différence entre l'intelligence de l'énergie et l'énergie de l'intelligence. Je me fous de l'intelligence de l'énergie. Je me fous de ce que eux me disent. Je me fous carrément de ce que eux me disent. Je m'intéresse qu'à ce que je fais. Et lorsqu'on est arrivé, écoute bien ça, Burt Reynolds, lorsqu'on est arrivé à comprendre que on doit s'occuper de ce qu'on fait et non de ce que nous disent, autrement dit, ça prend déjà des dispositions, ça prend déjà une évolution pour pouvoir en arriver à ce point. Mais lorsqu'on est arrivé en tant qu'homme à être capable de s'occuper de ce que l'on fait et non de ce que nous disent, c'est parce que à ce moment-là, nous avons commencé à vivre de l'énergie de l'intelligence et que l'étape de réalisation de l'intelligence de l'énergie tire à sa fin. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à être bien dans sa peau, que l'homme commence à ne plus souffrir de l'intelligence en lui. Que l'homme commence à vivre de l'énergie de l'intelligence, c'est-à-dire à vivre de la volonté et de l'intelligence. La volonté et l'intelligence étant la manifestation de l'énergie en lui sur le plan mental supérieur. Il est impossible à l'homme de comprendre quoi que ce soit concernant l'énergie sans qu'il soit lui-même dans cette énergie. L'homme peut comprendre beaucoup de choses de par l'intelligence, mais ce qu'il comprendra de par l'intelligence lui sera un jour retiré, parce que l'intelligence ne s'occupe pas de donner à l'homme de la connaissance. L'intelligence est simplement une impression créé dans l'esprit de l'homme pour altérer la vibration de son mental inférieur et de son émotif. Autrement dit, l'intelligence, si nous le regardons du point de vue des lois cosmiques, si nous le regardons du point de vue des lois atomiques de l'énergie, L'intelligence est une facette de la perfection de l'évolution. Et quand je dis que l'intelligence est une facette de la perfection de l'évolution, je dis que l'intelligence est le produit de l'énergie servant à créer sur les plans matériaux ou sur les planètes quelconques ou sur les plans subtils quelconques des conditions d'évolution, c'est-à-dire des miroitements extrêmement subtils qui deviennent pour les esprits en évolution des pièges, c'est-à-dire des formes, c'est-à-dire des nuances, c'est-à-dire des façons de voir, c'est-à-dire du matériel psychologique de quelque nature que ce soit, qui un jour, lorsque l'homme deviendra lumière, n'existera plus, parce que l'homme ne sera plus affecté à quelque niveau que ce soit par la conscience astrale. Il y a des êtres parmi vous qui s'attachent énormément à la connaissance. Ceci fait partie de leur sensibilité. Ceci fait partie de leur évolution. Ceci fait partie de leur expérience. Sachez que l'homme, un jour, ne doit plus vivre d'expérience. Et l'homme vivra d'expérience tant qu'il ne sera pas dans l'intelligence de l'intelligence. Tant qu'il ne sera pas capable, instantanément, de voir l'illusion qu'imprime sur son cerveau l'intelligence venant de lui ou venant d'un autre. Et la programmation de l'humanité aujourd'hui, le mouvement extrêmement rapide dans les décennies qui viennent, imposera au cerveau humain tellement d'impressions que les hommes qui ne seront pas dans l'intelligence de l'intelligence, qui ne seront pas capables de saisir par vibration la nature de l'impression de l'intelligence, seront automatiquement attirés par cette forme d'intelligence. Et même si cette forme d'intelligence n'est pas cartésienne, qu'elle est occulte, qu'elle est d'un plan suprasensible, elle n'en ne sera pas moins dangereuse. Parce que sur la Terre, nous avons en tant qu'homme une illusion subtile. C'est que nous avons l'impression sur la Terre que si nous sommes bons, que si nous sommes spirituels, que si nous sommes à la recherche de nous-mêmes, nous avons la capacité de passer au-delà des murs, de la mort. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce que si c'était le cas, je pourrais franchement dire dans une salle comme celle-ci que tous les gens qui font partie de cette salle ne connaîtront pas la mort. Lorsqu'en fait, je sais que beaucoup connaîtront la mort. Et autant j'ai connu la mort de la grande amie de Mme Loranger, autant je connais la mort des gens qui sont dans la salle, si mort il y a. Mais le problème n'est pas là. Le problème est dans la réalisation que sur la Terre, les hommes sont des pièces complexes d'évolution, des unités biologiques pensantes extrêmement importantes à l'évolution. Mais que les lois de sélection opèrent sur la Terre à tous les niveaux, autant dans la matière, dans la plante, dans le végétal, dans l'animal, et l'homme. Et que cette sélection vibratoire se fait et se fera. Et elle se fera selon les lois de l'énergie et non selon les lois de l'intelligence dans l'homme. Ce n'est pas votre intelligence, appelez ça ésotérique si vous voulez, ou occulte, ou spirituelle, ou médiumnique, ou suprasensible, qui déterminera si vous avez le pouvoir un jour ou si vous ne l'avez pas. remarquer que les hommes sont des hommes, et tant que les hommes sont des hommes, ils ne sont pas dans l'énergie de l'intelligence. Et être un homme veut dire ne pas être un être qui puisse être transmuté. Être un homme veut dire ne pas être un être qui puisse être transmuté, c'est-à-dire allégé absolument du fardeau de son corps matériel, du fardeau de la matière, du fardeau de la gravité, du fardeau de tout ce qui impose sa réalité sur ses sens, sur son esprit, sur son émotion. Alors, le passage de l'homme au surhomme, c'est un passage qui nécessite, dans le plan mondial, une sélection, car la loi de sélection est une loi cosmique qui s'applique à tous les domaines de l'évolution et non seulement au domaine inférieur de l'évolution. Et il se fait, et il se fera, une sélection vibratoire au cours des années. Et cette sélection vibratoire, elle sera interne à chaque individu. Elle sera réalisée par chaque individu. Et les individus qui vivront cette sélection vibratoire iront automatiquement sans effort, vers ce qu'ils doivent devenir. Et nul ne pourra empêcher ce mouvement, parce que l'énergie en eux sera suffisamment présente à tous les niveaux de leurs principes pour leur permettre d'agir selon les lois de cette énergie. Les lois cosmiques, les lois de l'énergie, les lois de l'évolution, les lois de la programmation nouvelle de l'humanité, ce sont des lois qui ne sont pas du domaine de l'homme. Ce sont des lois qui sont du domaine de l'énergie. Et l'homme ne peut pas convenir à ces lois parce que lui, pour des raisons d'évolution avancées, veut ou désire que ces lois enregistrent en lui une mutation. Quand vous allez aux courses, vous savez très bien que pas tous les chevaux vont gagner. Vous avez un choix à faire. Il y a sélection dans la course. Et il y a sélection dans l'humanité. Ce n'est plus une sélection comme les hommes font. Ce n'est plus une sélection qui est dictée par l'homme. Ce n'est plus une sélection qui organise les êtres humains. C'est une sélection qui est vibratoire et qui permet à l'homme de se retirer petit à petit au centre de lui-même. Ce centre de lui-même où pulse l'énergie et d'où il prend son énergie pour vitaliser ses principes et étendre dans le temps son pouvoir sur la création. Nous avons confondu au cours des siècles tout Et si je dis que nous avons confondu au cours des siècles tout, je veux dire que nous sommes totalement confondus. Parce que nous sommes faits de ce qui nous a fait, qui nous a rendus confus. Et ce qui nous a rendus confus fait partie de l'évolution de la race humaine, fait partie de la tradition de l'homme, fait partie des mœurs, des habitudes de l'humanité. Mais lorsque l'homme devient intelligent, lorsque l'homme se conscientise, comme nous le disons, il ne peut plus vivre de deux façons, il ne peut vivre que d'une façon, et il n'a pas le choix de vivre d'une façon ou d'une autre. Nous avons l'impression que nous avons le choix. Nous n'avons pas le choix. Parce que la sélection se fait, et c'est la sélection qui détermine l'orientation de l'évolution de chaque être humain. Et si je commence aujourd'hui à parler de sélection vibratoire, je risque de choquer beaucoup de personnes, parce que les gens ne comprennent jamais ce que je veux dire dans le moment où je le dis. Mais j'invoque toujours le même principe concernant ce que je dis, soit que je sois totalement dans l'erreur, ou que je sois dans l'intelligence. Et si je suis dans l'intelligence, c'est le temps qui vous le fera réaliser, parce que vous serez vous-même dans votre propre intelligence. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais ça, je comprends ça sur les cassettes. » Ou « Ah, ça, je comprends ça, ce que tu dis. » Ou « Ça, je comprends ça. » Je vous dis aujourd'hui que vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit depuis le début que j'ai commencé à parler. Vous n'avez simplement reçu que des impressions sur le cerveau vous permettant de réajuster votre point de vue, c'est-à-dire de réajuster votre mental inférieur. Vous n'avez rien compris de ce que je dis parce que ce que je dis, ça ne se comprend pas. Et si vous comprenez quelque chose de ce que je dis, c'est parce que vous ne comprenez pas ce que je dis. Et lorsque vous ne comprendrez pas ce que je dis, mais que vous pourrez absorber l'énergie de ce que je dis, sans qu'il y ait de remous dans le mental et l'émotion, à ce moment-là, je dirai que vous comprenez ce que je dis. Mais à ce moment-là, vous aurez la capacité de dire ce que vous savez, selon la proportion de la transformation vibratoire qu'aura opéré le contact entre mon esprit et le vôtre. De sorte que, ne me dites pas que vous avez compris ce que je dis, parce que c'est inutile de comprendre ce que je dis, il faut le savoir. Et si vous me dites que vous savez ce que je dis, je comprends ce que vous dites. Alors, l'importance pour l'homme d'être dans l'intelligence de son intelligence et de pouvoir détruire l'intelligence en lui, vous le comprendrez lorsque vous le comprendrez. Une des plus grandes lois de l'énergie dans l'univers, c'est la loi de la destruction et de la création. L'énergie crée et détruit. Et l'intelligence étant énergie, l'intelligence, si elle est réelle, peut détruire et construire. Elle construit pour une étape et elle détruit pour une autre. Et elle reconstruit pour une autre étape et elle détruit pour une autre. Et l'homme, lui, qui est prisonnier du phénomène de l'intelligence et qui se voit dans une étape détruire et ensuite construire, ne réalise pas que ce qui a été construit sera encore détruit. Il s'arrête là. Et c'est le stade où vous en êtes aujourd'hui. J'ai avec vous commencé la destruction de la forme. J'ai avec vous commencé l'érection d'une prise de conscience, d'une structure abstraite de l'informe, et plus tard je détruirai aussi l'informe structurée par mon intelligence pour que vous en arriviez éventuellement à ne plus vous servir de votre intelligence, mais être simplement de l'énergie qui créera en vous de l'intelligence. L'ego de l'homme, si un jour il doit être suffisamment puissant, c'est-à-dire s'il doit être suffisamment énergisé, s'il doit être suffisamment robuste dans le mental, dans ses principes qui le constituent, pour canaliser cette énergie effroyable qui est l'intelligence, parce que l'intelligence est effroyable, ce n'est pas plaisant de l'intelligence. L'homme pense que c'est intelligent de l'intelligence, parce que l'homme n'est pas dans l'intelligence de l'intelligence. Mais c'est effroyable l'intelligence, et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque l'homme canalise l'énergie et qu'il manifeste de l'intelligence, il a accès à sa vie. Il a accès à toute sa vie. Il voit toute sa vie, que ce soit 100 ans, 200 ans, 500 ans. Il voit la vie de l'humanité. Il voit la vie des systèmes en évolution. Lorsque l'homme est dans l'intelligence, il voit tout. Et lorsque nous voyons tout, nous ne devons pas avoir d'émotion. Sinon, nous tombons dans une dépression profonde qui peut facilement nous amener à la folie. Imaginez-vous si je pointais le doigt à un de vous et je disais, bon, en 1991, tu auras une maladie cardiaque et tu mourras. Imaginez-vous que ce n'est pas plaisant comme nouvelle. Imaginez-vous que l'intelligence vous dise, dans quelques années, dans quelques mois même, tu mourras, tu seras accidenté. Imaginez-vous ce que cette nouvelle créerait à l'être humain. Pour que l'homme puisse se faire annoncer de par l'intelligence, les pronostics, il faut qu'il soit solide, il faut qu'il ne soit pas attaché astralement à sa vie, il faut qu'il n'ait pas d'attache émotif à sa personne, à sa personnalité, il faut qu'il ait des yeux qui voient au-delà du temps, il faut qu'il comprenne les conditions, ainsi de suite. Et c'est pour ça que l'intelligence, dans son intelligence infinie, cache à l'homme les véritables faits de la vie, mais lui fait passer d'autres faits de la vie pour l'habituer à elle, pour l'habituer à sa présence, mais non pour l'habituer à la connaissance et lui donner l'impression du pouvoir de la connaissance de ce qui sera donné demain à l'homme de vivre individuellement ou collectivement, parce que l'homme est un être orgueilleux. C'est-à-dire que l'homme prend sur lui-même le rôle de l'intelligence au lieu de prendre sur lui-même le vide de l'intelligence. Et c'est pour ça que je mets en garde tous les voyants dans le monde qui voient, qui pronostiquent, et je mets en garde ceux qui écoutent, ceux qui parlent. Je ne dis pas que ce que les voyants voient ne correspond pas à quelque chose, mais je dis que ce que les voyants voient correspond à ce qu'ils doivent voir et à ce qu'ils doivent dire, et non à ce qui doit être. Et tout ceci fait partie de l'expérience de l'homme qui est en contact avec les voyants, avec ces grands êtres qui font quelque chose, mais toujours à l'insu de l'intelligence, parce qu'ils ne sont pas dans l'intelligence de l'intelligence, mais simplement dans la perception de l'intelligence suprasensible. Alors, si, d'ailleurs, les textes le disent, il se trouve qu'il y a dans l'homme une contradiction fondamentale. Il y a dans l'homme une contradiction qui fait que il est observateur des grandes traditions. Il est observateur des grands qui ont donné à l'humanité, de par leur grande vision, de par leur grande sensibilité, de par leur état, des données pour que l'homme sache dans les temps futurs que les temps ont une limite et que d'autres temps doivent venir. Et dans les textes, dans la révélation de Jean, dans les paroles du Nazaréen, il est dit d'une façon très probante, on vous dira dans le temps que je suis ici, ou que je suis là, ou que je suis ci, ou que je suis ça. Ne croyez pas. Parce que les secrets dans ces paroles sont connus seulement de mon Père. Et même les anges ne le savent pas. Alors, expliquer dans un contexte moderne, dans un contexte où l'homme d'aujourd'hui puisse comprendre ce qui a été dit d'une façon voilée et selon le tempérament et le caractère des porte-paroles de ces temps-là, ceci veut dire que le Père, la volonté, l'énergie en manifestation connaît son temps. Et que même les anges, c'est-à-dire les porteurs de nouvelles, ne le savent pas. Et l'homme doit commencer à faire attention, dans les années qui viennent, à ceux qui portent la nouvelle. Que des hommes portent la nouvelle, c'est bien, parce qu'il y a dans le monde de plus en plus de nouvelles. Mais que les hommes s'attachent à la nouvelle, c'est une autre chose. Parce que ce n'est pas important pour l'homme de savoir quand telle chose va se produire, quand telle chose va se produire. Ce qui est important à l'homme, c'est d'être prêt quand cette chose se produira. Et si vous ne comprenez pas ceci, vous serez petit à petit enraciné, malgré vous-même, dans un tableau de confusion qui deviendra de plus en plus répandu sur la face de la terre. Parce que les centres d'énergie s'ouvrent dans l'homme et de plus en plus d'hommes écoutent et rapportent les nouvelles. Moi, comme je dois vous dire, je ne peux faire que vous dire ce que je vous dis. Le reste fait partie de votre expérience. Je ne peux pas me promener dans le monde et aller rencontrer les voyants ou les gens qui ont des expériences, leur permettant de porter les nouvelles et de dire, bon, écoute, tu ne devrais pas dire ça comme ça, tu devrais... Ça fait partie de leur expérience. Je n'ai pas le temps d'aller dans le monde et de rencontrer les maîtres et de dire, mais écoute, les hommes ont leur expérience et les hommes vivront leur expérience à tous les niveaux de l'évolution de l'échelle humaine. Ce que l'homme un jour comprendra, et lorsque je parle de l'homme qui comprendra, je parle de l'homme réel, l'homme qui sera dans son intelligence, qui aura détruit l'intelligence de l'intelligence, qui aura survécu psychologiquement au bombardement de l'intelligence sur son mental, cet homme sera très calme et n'aura pas besoin de recevoir de personne des nouvelles qui viennent de tous les quatre coins du monde, parce qu'il sera lui-même le porteur de sa propre connaissance. Et c'est de cette connaissance qu'il vivra, et c'est de cette connaissance qu'il pourra s'acheminer dans les terres, qu'elles soient lointaines ou proches. C'est de cette connaissance qu'il pourra vivre, c'est de cette connaissance qu'il pourra comprendre ce qu'il est dans le temps qui vient, et c'est de l'énergie de cette connaissance qu'il pourra développer sans cesse la reproduction éthérique de sa programmation qui fera de lui un immortel. Tout le reste, c'est de la merde. Tout le reste. Lorsque j'insiste que les gens comprennent, vous savez, lorsque je parle, je ne parle jamais pour demain. Avant, je parlais pour demain. Maintenant, je commence à parler pour demain, après-demain. Et il viendra un jour où ce que je dirai n'aura plus de sens à ceux qui l'entendront et qui voudront le comprendre. Parce que ils n'auront plus l'intérêt égocentrique d'essayer de saisir ce que je dis. Ce sera un dialogue totalement abstrait, mais qui conviendra à leur esprit comme il convient au mien. Et elle est là, la grande sagesse de l'homme qui vient, c'est-à-dire le discernement fondamental de l'intelligence pure de l'homme de la sixième race. J'établis dans le temps où je travaille, j'établis pour l'homme des coordonnées. Et même les coordonnées que j'établis ne comprennent même pas la qualité de l'intervention. Et à l'intérieur de ces coordonnées, il y a de la friction. À l'intérieur de ces coordonnées, il y a une perte d'énergie, il y a du conflit, il y a de l'ego, il y a de la personnalité. Et ces coordonnées, j'y reviendrai toujours, parce que l'établissement de ces coordonnées fait partie de l'intelligence. Et même si les gens vont contre le fait que ces coordonnées soient données, même si ces coordonnées ne sont pas parfaites, un jour ces coordonnées deviendront les piliers de la nouvelle école de l'humanité. Et si je parle des coordonnées aujourd'hui, c'est parce que je sais que demain, ces coordonnées-là feront le travail qu'elles doivent faire. S'il y a conflit entre ces coordonnées aujourd'hui et l'homme, c'est normal. Et ça fait partie, d'ailleurs, de l'expérience de l'homme comme de l'expérience des coordonnées. Parce que viendra un jour où les gens auront besoin de réajuster ce qu'ils n'auront pas saisi pendant le temps ou les années où j'aurai parlé, où le matériel devra être réexpliqué, réorganisé, et ces coordonnées sont la psychologue Hélène, la sexologue Chiasson, l'ami Croteau, l'astrologue, comment tu t'appelles? Ménard. Et il y en a d'autres, et les autres viendront dans leur temps. Et ces coordonnées deviendront vitales pour l'évolution de l'homme à des plans, à des niveaux que même les coordonnées aujourd'hui ne peuvent pas même s'imaginer. Parce que nous avons l'impression, les hommes, que, en tant que coordonnées, que c'est sur le plan matériel que notre importance s'exécute. Ce n'est pas sur le plan matériel. Le plan matériel est simplement l'abattoir. Le plan matériel n'est simplement que l'aspect concret d'une réalité qui va au-delà de ce que nous connaissons. Et lorsque les vibrations seront altérées, les vibrations de ces coordonnées aussi seront altérées, et ainsi de suite. Que les gens acceptent, regardent, voient ou ne voient pas l'importance ou la fonction des coordonnées dans un temps tel qu'aujourd'hui, c'est normal. Mais viendra un jour où ces coordonnées que je commence à indiquer au public auront leur importance. Il y en a une autre coordonnée. Celui qui a la petite moustache, là, que j'ai parlé un matin, comment est-ce qu'il s'appelle? Hein? Gilles Rondeau? est-ce qu'il est, Gilles? Non, c'est pas lui, Gilles Rondeau. L'autre. Il y en a un autre qui avait une petite moustache. J'ai parlé à la table dans le cafétéria, là. Ah oui, comment ça s'appelle? Alain Dufour, c'est une autre coordonnée. Il y en aura plusieurs coordonnées dans différentes activités humaines, dans différents domaines de l'humanité, et ces coordonnées, un jour, seront alimentées par une force intelligente tellement grande qu'ils ne parleront plus ce qu'ils sont. Ces coordonnées seront alimentées directement du plan éthérique. Parce que tant que ce temps-là ne sera pas venu, ces coordonnées ne peuvent pas agir en perfection. C'est pour ça qu'il y a de la difficulté d'adaptation. Mais un jour, ces coordonnées, comme beaucoup d'autres qui ne sont pas connues, que je ne veux pas rendre publiques, seront alimentées directement de l'intelligence dans les terres et ils entendront auditivement tout ce qu'ils doivent dire. Alors, les hommes doivent comprendre, réaliser que l'évolution de la Terre n'est pas entre leurs mains et que l'évolution et la planification de l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre n'est pas dirigée par les mains de l'homme et n'est pas conditionnée par le vouloir ou le désir de l'homme. Nous avons énormément de choses à comprendre et à apprendre dans les années qui viennent. Et ce ne sera pas facile parce que les hommes seront confrontés constamment avec leur personnalité. Et lorsque nous commençons à réaliser cette confrontation entre l'énergie et la personnalité, nous vivons ce que Burt Reynolds commence à vivre avec sa femme et beaucoup d'autres déjà le vivent. C'est pour ça que je dis, il vaut mieux que les gens se retirent du champ d'action que je propage sur le globe que de me suivre s'ils ne sentent pas la force. Parce que l'homme n'est plus à un point dans le temps où il puisse se cacher la tête dans le sol. Nous avons l'impression, parce que nous avons toujours vécu, nous n'avons pas connu le passé. Nous n'avons pas connu le passé. Nous avons connu le passé récent, mais nous n'avons pas connu le passé ancien. Nous n'avons pas connu la destruction de la quatrième race. Nous n'avons pas connu la destruction de la troisième, mais nous connaîtrons la destruction de la cinquième. Et le but aujourd'hui de l'instruction dans le monde, le but aujourd'hui de rapatrier dans une conscience universelle tous les individus qui ont été préparés pendant des années par des écoles ou par des organisations et de faire réaliser à l'homme que la préparation qu'il doit vivre ne peut pas être conditionné par le désir spirituel de son ego. Et je vous le dis aujourd'hui, la préparation de l'homme ne peut pas et ne sera pas conditionnée par les attitudes de son ego. Quelles qu'il vit que soient ses attitudes, l'homme qui passera d'un plan à un autre, l'homme qui passera à travers les événements de la vie historique, contemporaine du 20e siècle, ne sera plus capable d'être autre chose que ce qu'il est en réalité. Alors, ce qui vient avant lui, ce qui fait partie de son expérience avant lui, ne fait que partie d'une transition qu'il vivra selon sa capacité d'évoluer vers ce point déterminant de l'histoire de l'homme. Le mythe existentiel, spirituel, psychologique de l'homme sera totalement détruit. Parce que l'homme est une mythologie. L'homme est une affabulation. L'homme est le résultat d'une affabulation parce que l'homme est la concrétisation dans le mental inférieur et dans l'émotionnel d'impressions et d'une chaîne d'impressions reliées à son passé. Et c'est lorsque nous commençons à sentir la destruction en soi de cette affabulation qu'est l'homme, de la raison que nous donnons à cette affabulation pour de bonnes raisons existentielles, que nous commençons à sentir le poids de l'énergie et la présence de la folie dans l'esprit qui n'est pas encore renforcé par l'intelligence de l'énergie. La petite folie. Nous sommes des prêteurs d'argent. Tous les hommes sont des prêteurs d'argent. Et nous prêtons l'argent à gage. Et l'argent que nous prêtons n'a aucune valeur. Aucune. Nous prêtons de l'argent parce que nous parlons sans pouvoir parler, sans avoir la parole. Et lorsqu'un homme parle sans avoir la parole, c'est de l'argent qu'il prête. Avec gage, c'est-à-dire que il veut être écouté. Il veut être bien reçu. Il veut qu'on lui donne raison parce qu'il croit avoir raison. Mais lorsque l'homme aura le pouvoir de parler, c'est qu'il sera dans l'énergie et à ce moment-là, il ne prêtera plus d'argent. Autant l'humanité aujourd'hui est de plus en plus affectée par une montée incroyable d'impressions spirituelles ou ésotériques, autant l'humanité sera abasourdie par cette vague de fond qui provient de l'astral. C'est pour ça que je dis l'homme doit avoir l'intelligence de son intelligence et avoir le pouvoir de détruire cette intelligence. Pour ne vivre que de l'énergie, en extraire simplement l'énergie. Que l'homme parle avant et qu'il réfléchisse ensuite. Et si il parle, on lui réfléchira ce qu'il a dit. Mais si l'homme réfléchit avant et parle, son langage ne sera pas juste parce qu'il aura été sous-tendu, renforcé, conditionné par son ego. Il ne faut pas avoir de crainte dans l'esprit pour parler. Parce que lorsque l'on parle, c'est l'énergie qui crée l'impression de l'intelligence et elle crée l'impression qu'elle veut, dont elle a de besoin pour l'évolution. Et ceci, non, selon le désir de l'homme. L'homme qui parle ne peut pas conditionner ce qu'il dit. Alors les hommes ne sont pas prêts encore à parler. Mais s'il y a des hommes qui parlent, qui commencent un peu à parler, déjà, ceux qui les écoutent devraient avoir la capacité, la résistance, la patience de les écouter pour qu'eux voient derrière ce que les autres disent. Parce que ce n'est pas ce que les autres disent qui compte, c'est l'énergie derrière leurs paroles. Et déjà, d'ailleurs, c'est le cas pour chacun de vous autres. Chacun de vous peut me parler et je verrai derrière ce qu'il dit l'énergie. mais dans notre relation, c'est plus facile. Mais dans les relations entre vous-même, c'est beaucoup plus difficile. Et ça deviendra un jour essentiel.